Comme pour les 35 premiers extraits, tirés des livres 1 à 9 des Nuits Attiques de Lugel, déjà enregistrés sur le site, étant donné la quantité de personnages cités, plus ou moins connus, répartis sur quelques 10 siècles, je vous les situerai, parfois en introduction, pour que vous ayez quelques repères, la première fois qu'ils apparaissent. Mais auparavant, je vous relis un passage de la préface de ces Nuits Attiques d'Olygel.